Bonjour cher Emmanuel et bonjour à vous qui vous apprêtez à embarquer à bord du navire de l'Iliade. 24 chants, près de 16 000 vers, probablement rédigés au 8e siècle avant Jésus-Christ, et Paris, le Troyen qui vole la belle Hélène mariée à Ménélas, le Grec. Achille, Hector, Agamemnon et Patrocle, tous prennent les armes et pendant près de 10 ans se battent, s'entretuent, mais ils ne sont pas seuls. Les dieux, et ils sont nombreux, les regardent, tantôt pour veiller sur eux, tantôt pour prendre parti, ils interviennent aussi. Dieux et déesses ont leur rôle à jouer dans l'Iliade. Mais qu'ont-ils de plus que les êtres humains? Sont-ils vraiment supérieurs à eux? Les dieux sont-ils des hommes comme les autres? Une question qui ne manque pas d'actualité, souvenez-vous. I've known you a long time, Dundaran. I think the first time we met was at that tournament. And I always thought you were dull as dirt. C'est pas que t'es un mauvais bougre. J'ai pas de haine pour toi. Je t'aime pas, mais t'es pas le mauvais gars. Merci, Clegane. Ça me réchauffe le cœur. Mais ce qui est sûr, c'est que t'as vraiment rien de spécial. Tu crois pas si bien dire. Alors pourquoi le maître de la lumière te ramène d'entre les morts? J'ai rencontré des hommes meilleurs que toi. Et qui ont fini pendus à une poutre. Ou décapités. Ou qui sont morts en se chiant dessus sur un champ de bataille. Ils ont jamais réapparu. Alors pourquoi toi? Tu crois que je me le demande pas? Chaque jour que le maître fait. Pourquoi je suis là? Je suis supposé faire quoi? Qu'est-ce que le maître attend de moi? Et... J'en sais rien du tout. Je comprends pas notre maître. Ton maître. Je sais pas ce qu'il attend de moi. Je sais seulement que... qu'il veut me garder en vie. Bonjour Judith Thérèse. Bonjour Adèle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes professeure de littérature française, latine et grecque au lycée Sévigné à Paris et l'auteur d'Apprendre à philosopher avec Homère aux éditions Ellipse. Est-ce que vous enseignez à vos élèves de philosopher avec Homère? Absolument, un maximum. J'essaye de partager cette lecture du texte en grec et je remarque un véritable engouement pour la lecture d'Homère. Et l'Iliade en particulier? Et l'Iliade encore plus, je dirais même, oui. Pourquoi? Je pense que c'est un moment particulier, celui de la fin de la guerre de Troie, un moment de colère divine que peuvent comprendre particulièrement les élèves d'aujourd'hui qui essayent de dompter leurs passions, qui essayent de gérer leurs émotions. Et j'ai l'impression que ce conflit qui traverse toute l'œuvre, toute l'épopée, parle particulièrement à cet âge entre deux. Dans lequel il se trouve. C'est-à-dire les étudiants en terminale, c'est ça? En première, en seconde et en terminale aussi. Donc ceux sans doute qui sont susceptibles de regarder la série Game of Thrones, dont on vient d'entendre un extrait. Absolument. Et qui a pour point commun avec l'Iliade, entre autres, parce que je pense qu'il y en a de nombreux, vous nous direz, de mettre en scène également cette espèce de questionnement, d'intelligibilité du programme divin chez Homère, mais aussi dans Game of Thrones. Les personnages ne savent pas ce que les dieux font d'eux. Exactement. Les personnages interrogent ici, dans ce dialogue précisément, le programme divin. Il semble être soumis à des puissances qu'ils ne n'identifient pas. Et leur questionnement est assez intéressant puisqu'on se demande tous vers quel destin on est mené à accomplir, que suis-je en mesure d'espérer, quel est mon rôle dans la vie, quelle est ma fonction. Et il se trouve que au moment de l'adolescence, je pense que c'est effectivement une question majeure, une question essentielle. Quelle est mon orientation? Quelle est ma voie? Et que finalement, que ce soit l'Iliade ou Game of Thrones, ces deux modes de récit mettent en scène notre propre interrogation face à ce qu'on peut appeler le destin. Les dieux sont l'autre figure du destin, n'est-ce pas? Exactement. Est-ce que c'est un destin raisonné? Est-ce que c'est un destin qui a un sens? Est-ce que c'est un plan rationnel? est-ce que je suis responsable de mon destin ou bien au contraire, est-ce que je suis soumis à des puissances contradictoires et cela expliquerait bien sûr tout ce qui me dépasse, tout ce que je ne peux pas maîtriser en moi, tout ce que je ne peux pas maîtriser autour de moi. Sachant que c'est pas l'existence d'un dieu comme dans les religions monothéistes que l'on connaît surtout aujourd'hui, mais de plusieurs dieux. Et des dieux qui semblent tantôt vouloir le bien des hommes, tantôt au contraire se jouer d'eux. C'est le statut particulier des dieux dans l'Iliade. Oui, tout à fait. Ils ont cette particularité de nous mettre face à un égarement. On est dans l'errance quant à la posture que les dieux ont par rapport aux hommes. C'est-à-dire que on se demande si les dieux veulent le bien, si les dieux sont cause de bien. Et on a l'impression que Homère se plaît à nous perdre dans cette idée-là, puisque immédiatement après avoir choisi un sort qui nous met en valeur, hein, qui nous, par exemple, il insère le ménos dans le cœur des hommes, c'est-à-dire l'ardeur, le zèle, c'est une énergie vitale en fait qui va permettre aux hommes d'aller plus loin dans ce qu'ils veulent. Une fois qu'ils ont injecté, hein, on parle d'infusion du ménos en l'homme, ils vont immédiatement après, au contraire, se jouer des hommes, leur jouer des tours, les tromper, leur envoyer un songe qui va les mener dans une direction qui va à leur perte. Donc, on a l'impression que de ne pas avoir de réponse, que l'Iliade pose la question qu'on se pose encore aujourd'hui. Et en cela, c'est une œuvre atemporelle. Donc, en fait, à quoi servent les dieux dans l'Iliade ? Alors, les dieux sont peut-être là pour nous mettre face à notre finitude, puisque eux-mêmes sont immortels. Donc ils sont tout d'abord les immortels, Athanatoi, hein, c'est ainsi qu'on les désigne, tandis que les hommes sont Brotoi, sont des mortels. Et donc les dieux mangent une nourriture immortelle, tandis que les hommes mangent le pain et sont soumis donc à la nourriture terrestre. Ils sont rattachés à la terre. Donc on a l'impression que la présence des dieux est d'abord faite pour caractériser la condition humaine. Et les dieux sont aussi donc démesurés donc dans leur temporalité, puisqu'ils n'ont pas de temps, ils n'ont pas la notion du temps, tandis que les hommes donc sont poursuivis par cette idée qu'ils ont un segment de temps à vivre, comme Achille qui est au Cumoros, qui a un destin court, un destin serré, et du coup on a l'impression que les dieux sont là pour nous montrer que de ce temps nous devons prendre la mesure et avoir une action mesurée aussi et ne pas tomber dans l'hubris. Donc les dieux, eux, peuvent infiniment se laisser aller à l'hubris, ils peuvent déchaîner leur colère, ils peuvent... Et ils sont très colériques, ils connaissent beaucoup de passion, les dieux. Hein. C'est pas l'image du sage sur son nuage, détaché de tout, au contraire, ils mangent, ils font l'amour, ils sont en colère, ils rigolent. Ils pleurent, exactement. Et justement, on pourrait croire que l'immortalité leur aurait donné cette aura de sagesse et de raison et de distance par rapport à la vie des hommes en bas qu'ils contemplent. Au contraire, en fait, on a l'impression que cette temporalité illimitée leur permet de donner satisfaction à tous leurs désirs, à tous leurs caprices. Et donc, ils ne connaissent pas le devenir, puisqu'ils sont eux-mêmes figés dans cette immortalité. C'est ça, en fait, le revers de la finitude humaine, c'est la possibilité de devenir quelqu'un ou quelque chose, alors que les dieux sont de toute éternité. Exactement. Il y a une particularité humaine qui est de pouvoir devenir ce qu'on n'est pas. Alors que le dieu reste toujours le même. Il est un, il est identique à lui-même. On va entendre un texte ensemble qui met en scène l'intervention divine, une des interventions divines. C'est une déesse, puisqu'il s'agit d'Athéna, et c'est au chant 1. De l'Iliade, Agamemnon, qui se dispute avec Achille, exige une compensation. Sa captive, Chryséis, doit être délivrée, et il propose, en échange de sa propre captive, de prendre celle d'Achille, Briséis. Donc va s'en suivre un combat, une colère mutuelle, et c'est Athéna qui vient empêcher Achille de tuer Agamemnon. Elle vient littéralement dompter cette colère. Écoutez le récit qui en est fait, je précise, pour que les auditeurs ne soient pas perdus, parce que c'est un peu comme un roman russe, l'Iliade, il y a des noms nouveaux en permanence. Quand on parle de l'Atride, c'est Agamemnon, et quand on parle du Pélide, c'est Achille. Écoutez le texte lu par Georges Classe. Achille allait-il tirer l'épée attachée à sa cuisse, écarter tout le monde, tuer l'Atride? Ou bien retiendrait-il sa bile, maîtrisant sa fureur? Il roulait tout cela dans son âme et dans sa pensée. Il tirait du fourreau la grande épée. Mais Athéna vint du haut du ciel. Héra, Blanchemain l'avait envoyée. Tous deux, elle les aimait, et pour eux s'inquiétait. Debout derrière lui, elle prit le Pélide par ses cheveux blonds, n'apparaissant qu'à lui. Aucun autre ne la voyait. Achille frémit, se retourna, reconnut tout de suite Pallas Athéna. Ses yeux brillaient, terribles. Lui parlant, il lui dit ces mots qui ont des ailes. « Pourquoi, fille de Zeus à l'Égide, es-tu venue pour voir la violence d'Agamemnon Atride ? Mais je vais te dire une chose, et qui va, je crois, se réaliser. Pour son arrogance, bientôt, il perdra le souffle. » Alors lui dit la déesse Athéna à œil de chouette, « Je suis venue du ciel pour calmer, si tu m'en crois, ta fureur. C'est Héra Blanchemain qui m'a envoyé. Tous deux, elles vous aiment, et pour vous s'inquiètent. Allons, arrête cette dispute, ne tire pas l'épée. Par des insultes, montre-lui ce qui va se passer. Mais je vais te dire une chose et qui se réalisera. Il t'offrira un jour 3 fois plus de cadeaux superbes à cause de cette violence. Tiens bon, aie foi en nous. » En réponse, lui dit Achille, pied rapide, « Il le faut, déesse, je m'en tiens à votre parole, malgré cette colère en moi. C'est mieux ainsi. Qui se soumet aux dieux, les dieux l'écoutent. » Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Vous venez d'entendre la déesse Athéna dompter la colère d'Achille. C'est la professeure de littérature grecque, latine et française, Judith Pérez, qui vient vous parler aujourd'hui de Homère et vous apprendre à philosopher avec Homère. C'est le titre de son livre aux éditions Ellipse. Dans ce texte, Judith Pérez, alors on a l'impression que Athéna, joue son rôle de déesse. Elle vient en aide, elle est clémente, elle dompte la colère d'Achille. C'est la sagesse incarnée qui vient heureusement intervenir dans les affaires humaines pour les calmer. Oui, exactement. En fait, dans ce premier chant, on sent que Athéna assume tout à fait le rôle de la sagesse morale dans l'action qui vient donc arrêter le geste du héros impulsif. Et elle répond à une question, à une délibération intérieure d'Achille devant l'injustice, la violence d'Agamemnon. Il a du mal à maîtriser sa passion. Il veut donc tuer. C'est son premier geste. C'est le geste impulsif, le geste spontané qui lui vient. Et devant cette pulsion de violence, Athéna apparaît comme le daimon de Socrate, par exemple. C'est-à-dire celui qui vient raisonner, qui vient empêcher. C'est l'empêchement divin, celui qui dit non, qui dit stop au moment où on est prêt à se perdre dans une action qui nous perdrait plus que... C'est la voix de la raison, alors. Qui nous sauverait. Oui, exactement. Elle correspond très bien à l'attribut qu'on lui donne communément, qui est celui de la déesse, de la sagesse, de la raison, de la ruse aussi. Hein. Donc ici, elle correspond à cette tendance plutôt pacifique, une tendance à dompter les passions et à ramener le héros vers une sagesse qui n'est pas la sienne. On a l'impression qu'elle est extérieure au héros, on a l'impression qu'elle vient le sauver d'un faux pas. Mais en réalité, on peut se demander, vu qu'il s'agit d'une réponse à une question qui se posait, il se demande vraiment s'il va retenir sa bile ou s'il va laisser se déchaîner sa colère. On se demande si ce n'est pas une réponse que lui-même s'apporte à lui-même. C'est-à-dire, on a eu une lecture allégorique d'Homère pendant très longtemps, et ici, il est très tentant de penser qu'il s'agit d'une conscience morale. Qu'Athéna serait la conscience morale d'Achille. Oui, c'est tout à fait possible, surtout quand on pense précisément au daimon de Socrate, qui donc il le mentionne dans l'Apologie de Socrate. Il explique comment il procède à ces dialogues en disant que le daimon, justement cette divinité qui est donc qui est traduit par démon, mais en réalité il y a rien de démoniaque là-dedans. C'est plutôt une divinité qui lui permet de réagir toujours avec moralité, mm-hmm. et qui l'empêche de faire quelque chose qui irait à l'encontre de la vérité, de la recherche de la vérité. Et donc ici on a aussi l'impression il y a quelque chose d'assez proche du biblique aussi. J'ai l'impression qu'Athéna fait figure d'ange en quelque sorte. On peut comparer cette intervention à l'ange qui vient arrêter la main d'Abraham au moment où il va tuer son fils Isaac. Et donc ces éléments postérieurs, hein, donc on est dans un anachronisme total, mais on peut quand même se permettre de penser que Athéna a un rôle moral ici, et que elle serait peut-être un moment de l'homme. C'est-à-dire que, comme dirait Alain, les dieux sont des moments de l'homme. On pourrait envisager, effectivement, en lisant ce passage, que les dieux sont des composantes de l'âme humaine, et que ici, tout est poétisé pour que l'on comprenne l'âme humaine. Et Homère aurait recours aux dieux comme à des ornements poétiques, des ressorts en fait, comme des figures de style, qui permettent de comprendre en donnant des images, donc rendant tout cela très beau et en sublimant en fait les capacités humaines ici de se dompter soi-même. C'est ce qu'on appelle la tempérance, c'est ça. Athéna apporte, alors à la colère d'Achille s'oppose la tempérance d'Athéna. Oui. Les termes en grec sont très proches, hein. C'est ménis d'un côté, métis de l'autre. Tout à fait. Métis c'est un petit peu plus ambivalent. En fait, il s'agit de la ruse avec tout ce qu'elle peut avoir aussi de mauvais, de malveillant. Donc on voit Athéna justement ici plutôt dans la signification que vous dites, hein, la signification positive de sagesse, de raison. Mmh. Mais plus tard, on la verra précisément s'amuser à tromper les hommes par exemple en mettant un terme à la trêve qui a lieu entre les Grecs et les Troyens, puisque les Grecs vont être amenés à accepter de ne plus se battre, ainsi que les Troyens, suite au duel entre Paris et Ménélas. Et en fait, Athéna ne trouve pas cela bon dans son plan divin. Et donc elle va aller voir Pandare, un archer, un archer troyen, et elle va le convaincre d'essayer de prouver sa valeur en envoyant une flèche dans le camp des Achéens, ce qui va être effectivement fait, puisque il va vouloir se montrer effectivement qu'il est particulièrement valeureux, et c'est ainsi que la guerre va reprendre. Et Athéna va de l'autre côté empêcher Ménélas d'être blessé. Donc c'est simplement un jeu. C'est simplement pour intervenir dans l'échiquier humain, et ce n'est pas bienveillant, puisque ça va... Non, et on va en prendre un autre exemple immédiatement, puisque l'on parlait d'Athéna, on l'a entendu comme cette espèce d'ange gardien qui vient sauver Achille de sa colère. Si on va beaucoup plus loin dans l'Iliade, au champ 23, eh bien on trouve des jeux sportifs qui sont organisés en l'honneur de Patrocle. Les hommes et les dieux jouent, hein, aussi, ça fait partie de la spécificité de la relation des hommes aux dieux dans l'Iliade. C'est l'épreuve de la course à pied, et pour aider Ulysse, Athéna intervient en faisant un croche-patte à Ajax qui tombe dans la bouse. Écoutez, c'est un des textes les plus drôles de l'Iliade. « S'usent donc ceux qui veulent tenter cette épreuve. » Il dit, et aussitôt se lève Ajax, le rapide fils d'Oïlée, et l'industrieux Ulysse, et le fils de Nestor, Antiloque, qui, à la course, de son côté, l'emporte sur tous les jeunes gens. Ils se mettent en ligne. Achille leur indique le but. La borne, une fois franchie, leur allure se précipite. Le fils d'Oïlée rapide file au but. Derrière lui bondit le divin Ulysse. Il est aussi près de lui que la lame est près du sein d'une captive à la belle ceinture, quand, pour passer le fil tout le long de la chaîne, elle l'attire à elle fortement et l'amène jusqu'à son sein. Ainsi court Ulysse, tout contre Ajax, et ses pieds viennent par derrière frapper juste les traces de l'autre avant que la poussière ait pu les recouvrir. C'est sur la tête d'Ajax que le divin Ulysse répand son haleine, courant toujours à vive allure, et tous les Achéens, secondant de leur cri son désir de victoire, encouragent sa hâte. Ils en sont au dernier stade de la course quand, soudain, Ulysse, en son cœur, prie Athénée aux yeux pères. « Entends-moi, déesse, et viens en ta clémence prêter aide à mes pieds. » Il dit, Pallas Athénée entend sa prière, elle assouplit ses membres, ses jambes d'abord, puis, en remontant, ses bras, et au moment même où ils vont sauter sur le prix, Ajax, en courant, glisse, Athénée l'a fait trébucher, juste à l'endroit où s'étale la bouse des bœufs mugissants, victime abattue en l'honneur de Patrocle par Achille aux pieds rapides. Sa bouche et ses narines s'emplissent de bouse, tandis que le divine et endurant Ulysse enlève le cratère. Il est arrivé le premier. L'illustre Ajax prend le bœuf. Il est là, tenant dans ses mains la corne du bœuf agreste et, en crachant la bouse, il dit aux Argiens « Ah, comme elle a su faire trébucher mes pieds, la déesse qui de tout temps est là comme une mère à côté d'Ulysse pour lui prêter secours. » Get along. She doesn't get along. She's a bone. Athéna chez Homère et Athéna chantée par The Who sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie. Le texte qu'on a entendu, Judith Pérez, le chant 23 de l'Iliade, était dans la traduction de Paul Mazon. Selon les traductions, je sais que la vôtre, au contraire, est en vert. Donc, c'est pas de, enfin, la vôtre, celle dont vous vous servez pour ce texte, celle de Jean-Louis Baquès. Je sais pas si le terme de bouse revient de manière identique. En tout cas, ici, ça fait vraiment partie de la dimension comique de ce texte qui fonctionne très bien à l'oral. Là, c'était lu par le comédien Guy Moigne. Oui, effectivement, c'est un moment qui fait penser aux intermèdes plaisants où on fait apparaître les dieux entre eux. Mais ici, il y a un vrai jeu entre la déesse qui s'amuse en fait sur l'échiquier des hommes. Et il y a le terme de bouse effectivement chez Jean-Louis Baquès également, puisque on sent que c'est un moment où en fait on frôle la comédie. Ce qui est rare dans l'Iliade quand même. Oui, alors c'est quelque chose qui se produit quasiment seulement au moment où les dieux sont entre eux dans l'Olympe. Donc ce sont des moments où on voit les dieux bouder, où les dieux maugréer les uns après les autres, ou bien se menacer les uns les autres, où Zeus doit faire la loi, Zeus doit remettre un peu d'ordre dans cette famille qui part dans tous les sens. En fait, comme les dieux ont des réactions d'adolescents presque, ils laissent complètement place à la tyrannie de leurs désirs, de leurs passions. Donc on a l'impression d'avoir des scènes de ménage à proprement parler, où les conflits sont intenses entre eux, puisqu'ils n'arrivent pas à maîtriser justement les passions, à la différence des hommes qui, eux, sont nés dans ce destin difficile, cette difficile liberté, en quelque sorte, toujours apprendre à se frustrer eux-mêmes et à restreindre la tyrannie des passions. Ça veut dire, si je reprends l'idée que vous avez développée tout à l'heure, que les dieux seraient une forme d'allégorie des passions humaines, et donc le recours aux dieux serait là pour nous aider à connaître davantage l'homme, en réalité. Oui, effectivement, on a l'impression que les dieux sont des ressorts pour pouvoir connaître l'âme humaine, et connaître ce qu'elle n'est pas, précisément. Donc, l'Iliade pour moi, serait, plutôt que ce qu'on a tendance à faire circuler sur cette œuvre, une œuvre qui prône le triomphe de la raison humaine, de la capacité de sensibilité, de pitié et de triomphe sur les de maîtrise justement de ce qui est difficile à maîtriser, voilà une forme de d'apologie de l'expérience humaine de la violence et l'Iliade serait précisément là pour prendre de la distance par rapport à une idéalisation des dieux qui permet la religion, qui permet la croyance, qui permet la piété, comme si la représentation de Dieu drôle, comique, ridicule parfois, malfaisant, malveillant, ou disons qui servent leurs propres intérêts, et font fi, ne se soucient pas du tout des intérêts des hommes, comme si cet aspect-là était une représentation qui permet déjà un mouvement vers la remise en question du divin pluriel. Donc il y a une forme de critique, de début de philosophie en quelque sorte, puisque c'est un mouvement vers la rupture avec les dieux représentés anthropomorphiques, etc. C'est-à-dire que pour vous, la philosophie, c'est-à-dire comme un discours rationnel qui part de l'homme et qui a pour fin l'homme, sans détour vers Dieu. Voilà, exactement, qui n'a pas recours au Dieu pour l'amélioration de l'homme. Mais iriez-vous jusqu'à dire qu'il y a une morale dans l'Iliade et chez Homère ? Parce que c'est toute la question, beaucoup de lecteurs de l'Iliade disent non, il ne faut surtout pas le tirer dans un sens moral, il ne nous fait pas la morale dans ce sens-là. Non. Et en même temps, on peut prendre ce texte aussi avec la dimension, non pas moralisatrice, mais moraliste, hein, au sens presque 17e du terme, où c'est une fresque de l'âme humaine, et voilà comment les différents individus se comportent. Oui, alors c'est une grande question. Effectivement, on ne peut pas voir de morale dans le panthéon homérique. Mais je pense que l'œuvre, dans cette dynamique, dans sa trajectoire, l'œuvre de l'Iliade, peut être lue avec un regard philosophique et, du même coup, on peut, disons, commencer avec Platon à se poser la question de la raison, de la conscience morale chez les hommes, telle qu'elle se dessine au fur et à mesure de l'œuvre. C'est-à-dire que on suit le parcours d'Achille, qui commence avec une colère plus qu'humaine, hein, puisque c'est la Ménisse, elle est divine, cette colère. Et au fur et à mesure de l'œuvre, il va y avoir des étapes qui vont le mener vers une deuxième colère, de la bouderie, des moments de fragilité, des pleurs. Donc il passe par plusieurs épreuves dans son âme, mais le 24e chant va couronner précisément son parcours en l'amenant à la compassion, à la sensibilité. À la bonté, en fait, à quelque chose qui est proche de l'amour et de la compréhension du... Et du pardon. Voilà, la compréhension du sens. On entendra le texte à la fin, il est absolument incroyable, ça c'est vrai. Donc il y a pour vous une trajectoire morale du personnage d'Achille. Oui, qui est salutaire, qui va à l'encontre d'un message de violence. Donc, en ce sens, on peut éventuellement parler de morale, mais il faut bien placer ce terme dans ses limites. D'autant que puisque vous citiez Platon fait partie de ces philosophes qui considèrent que Homère n'a pas droit de citer dans la cité, précisément parce que ce qu'il raconte est trop dangereux. Il dit dans la République, hein, c'est au deuxième livre, il dit « ne faut pas raconter, absolument pas, que les dieux font la guerre aux dieux, qu'ils se tendent des pièges, qu'ils se battent. Rien de cela, en effet, n'est vrai. » Il ne faut pas le raconter. Si nous voulons que les futurs gardiens de la cité considèrent comme le déshonneur le plus grand de se traiter mutuellement d'ennemis à la légère. Et il poursuit ces histoires de combats de géants et toutes ces querelles de toutes sortes qui conduisent des dieux et des héros à affronter leurs proches et celles de leur entourage, qu'on évite de les raconter ou même de les représenter en peinture. C'est dire la conscience aiguë qu'avait Platon de la force de ce texte pour de vouloir l'exclure même de l'éducation des citoyens. Oui, parce qu'il il vise tous les citoyens et il redoute que l'on prenne les dieux pour des modèles. Donc, toute la lecture allégorique, il la reconnaît, il sait qu'elle existe, il voit la possibilité de lire Homère comme une vision un peu plus sage, disons, des dieux et des hommes, mais il pense que c'est laisser place à une possibilité de lire de façon littérale un texte, et donc de... Il le dit, un jeune n'est pas en mesure de discerner une intention allégorique de ce qu'il n'en possède pas, et ce qu'il ressent à son âge en formant ses opinions a tendance à devenir ineffaçable et immuable. Voilà. Donc il ne fait pas confiance en fait dans la possibilité qu'a l'homme de perfectionner sa lecture. Il a une urgence. Ici, il ne parle pas en poète ou en philosophe. Enfin, il parle en éducateur, en fondateur de cité. Hein, il le dit bien justement avant ce texte et. Il a une urgence qui est de donner des leçons de morale, lui, directement à une cité qui doit imiter un divin idéal, parfait, qui ne va que dans un sens, qui n'a pas d'ambiguïté, qui n'a pas d'ambivalence, qui n'est pas pluriel, en quelque sorte, d'autant plus qu'il le présente toujours comme « Othéos, le dieu, le divin », et qui ne nuit pas, et qui serait cause de tout ce qui est bien et non cause de tout, puisque chez Homère, en fait, les dieux sont cause de tout ce qui se passe chez l'homme, donc les fléaux comme les bonnes choses. Mais l'argument de Platon est encore utilisé aujourd'hui, hein. Ne montrons pas trop de films violents aux personnes plus jeunes, ça risque de les influencer. Les tueries qui ont lieu dans les lycées aux États-Unis sont dues à la trop grande utilisation de jeux vidéo. Exactement. Ou de fréquentation. Voilà. En fait, l'Iliade à l'époque, ça peut être comme Game of Thrones aujourd'hui, on peut exactement. Dire mais il y a trop de violence. Oui, c'est un argument vieux comme le monde. C'est un argument vieux comme le monde, comme le fait qu'il se retrouve dans une forme de censure, qu'il ait un rôle de censure aussi, puisqu'il supporte mal l'idée qu'on représente les dieux un peu comme on représente les hommes, et que cela nuise à l'image que l'on donne du divin. Et donc, il ne faut pas caricaturer les dieux, d'accord ? Donc c'est quelque chose d'assez parlant aussi. Il nous reste deux textes à écouter ensemble, Judith Pérez, deux textes absolument magnifiques. En plus, ce seront les deux derniers de cette série sur l'Iliade. Voici le premier d'entre eux, c'est au chant 5. Cette fois-ci, c'est Aphrodite qui intervient dans la bataille. Elle vient au secours de son fils aîné et elle sera blessée par Diomède, qui est un guerrier très vaillant, mortel mais néanmoins adversaire digne d'Aphrodite, puisqu'il va la blesser, et la description de sa blessure est quelque chose de vraiment bouleversant. La description est celle que l'on aurait fait d'une femme mortelle, sauf qu'il s'agit d'une déesse, et donc le sang est légèrement différent. Écoutez. Quand Diomède rejoignit Aphrodite en traversant la foule immense alors se fendant, le fils de Tidée le magnanime, bondissant de sa pique aiguë, blessa la main délicate. La pique pénétra sous la peau à travers le voile merveilleux qu'ont tissé les grâces elles-mêmes. Au bas de la paume, il coula le sang immortel de la déesse, Lycore, qui coule dans le corps des dieux bienheureux. Car ils ne mangent pas de pain, ne boivent pas de vin noir. C'est pourquoi ils n'ont pas de sang, ils sont appelés immortels. Elle lança un grand cri et laissa tomber son fils. De ses mains, Phoïbos Apollon l'enleva dans un nuage sombre, de peur qu'un Danaïn aux cheveux vifs, dans sa poitrine, n'enfonce du bronze et ne lui prenne la vie. Alors il poussa un grand cri, Diomède, voix sonore. « Abandonne, fille de Zeus, la guerre et le carnage. Il suffit que tu enjôles de faibles femmes. Si tu te mets à fréquenter la guerre, je pense que tu auras peur de la guerre même quand tu la sais encore loin. » Il dit. Elle, éperdue, s'éloigna, souffrant affreusement. Iris, au pied devant, la prit, la conduisit loin de la foule. Accablée de douleur, sa belle peau devenait noire. Les rôles sont complètement inversés ici, Judith Pérez. C'est Aphrodite qui est blessée et qui souffre affreusement, alors que Diomède lui lance un défi en pleine figure avec toute la fierté qui revient normalement à un dieu. Exactement, c'est-à-dire que dans le premier texte, on avait l'impression qu'on pouvait dire que l'homme avait du divin en lui. Et ici, c'est tout le contraire. Donc, c'est le dieu qui a de l'homme en lui. C'est-à-dire Aphrodite qui réagit comme un homme. Donc, elle est blessée comme un homme. Et elle a le premier réflexe qui est de protéger son fils. Et donc, c'est surtout en tant que mère qu'elle va intervenir ici. Et sa divinité est menacée. Sa nature divine est menacée. Elle arrive avec toute la fragilité d'une mère qui a peur pour son enfant. Et elle a tout ce qui va avec la délicatesse de cette image, de ce tableau très touchant qui est la peau délicate, la peau fine, le péplos, le voile très fin de sa robe. On a l'impression qu'elle est toute humaine devant ce Diomède qui, lui, a une fougue et qui est investi justement du ménage divin, c'est-à-dire de cette ardeur guerrière que les dieux lui ont injectée. Donc le sang qui est mentionné ici, c'est l'ichor. Ichor, c'est un mot, c'est un apax. Hein. Ici, il n'est présent que dans ce passage-là, chez Homère. Il vient d'une autre langue, en fait, c'est la langue des dieux. Ichor, ce n'est pas justement le sang mortel, et c'est ce qui est presque de manière didactique expliqué par Homère. Attention, l'ichor, c'est le sang des dieux, à la différence du sang des hommes qui se dit Aïma. Et donc, attention, les dieux ne mangent pas la même chose. Voilà, c'est ça, l'ichor qui coule dans le corps des dieux bienheureux, car ils ne mangent pas de pain, ne boivent pas de vin noir, c'est pourquoi ils n'ont pas de sang et sont appelés immortels. Tout à fait. Donc, il suffit de ne pas manger de pain pour devenir immortel, on a l'impression, lisant ce texte. Oui, effectivement, on est ramené à notre nature terrestre à partir de ces manifestations de besoins naturels que l'on a. Et ce qui est étrange, c'est que elle perd du sang, le sang coule, hein, c'est dit à plusieurs reprises, en milieu de vers en plus, le mot qui signifie couler, verser, il est mis en relief, on a l'impression qu'il y a une plaie à l'intérieur même du vers, parce qu'il y a une forme de profanation de l'auréole qui a en fait autour de la divinité. La divinité saigne, c'est quelque chose d'inaudible. Hein. Donc, ça veut dire qu'elle a quand même un corps qui ressemble à celui des femmes. Oui, exactement. Donc c'est très étrange. En fait, on a affaire à une explication qui est difficile à comprendre puisqu'on a l'impression que il y a du sang qui n'est pas du sang, mais qui coule rappelle de le fait. Sang. Et donc c'est du pseudo-sang et qui coule sur le corps divin et qui noircit la main d'Aphrodite. Et même sa robe, qui a été cousue par des graisses, se retrouve déchirée. Donc tout cela avec la dimension un petit peu érotique que ça peut avoir, hein, puisque tout le sang qui coule, la robe déchirée sur Aphrodite peut évoquer aussi cela. Et cette fragilité-là a une incidence sur la croyance dans les dieux. C'est-à-dire qu'on sent que Athéna se sent menacée, elle a très peur, elle souffre affreusement et elle veut immédiatement... Athéna ou Aphrodite ? Pardon, Aphrodite. Aphrodite a très peur et elle veut immédiatement, elle veut très vite rejoindre l'Olympe et ne pas être vue plus que toute autre chose. Donc elle ressent de la honte. Alors, on pourrait imaginer, on pourrait lire de cette façon-là le texte et penser que elle a surtout la crainte que on la voit dans cette vulnérabilité-là. Elle est surprise, particulièrement surprise, et on pourrait penser que son existence en tant que déesse est mise en péril. Mais pourquoi la blessure est-elle si importante puisqu'elle est immortelle? Alors, c'est une excellente question. On se demande en quoi la corporéité dite des dieux à ce moment-là est si importante. Et je pense que Platon y a vu justement une contradiction. Et je me demande si c'est pas précisément pour cette raison qu'il a placé le divin dans les idées intelligibles de façon opposée au monde sensible. Donc c'est une question, et c'est en cela qu'on voit aussi que Platon n'est pas si éloigné d'Homère et que c'est pour ça qu'il le voit d'autant. Et oui, mais et puis c'est son interlocuteur principal, favori. Il se réfère à lui en permanence. Et d'ailleurs, oui, Platon est le premier à utiliser les mythes oui. pour venir nourrir sa propre philosophie. Exactement. Ouais. Donc, on peut penser qu'il l'aurait critiqué ou qu'il critique les manifestations qui mettent en péril le crédit des dieux et l'expérience de la mortalité. Donc, par les dieux, ce serait quelque chose d'impensable. Or, ici, c'est mis en scène par Homère. Donc, on a l'impression, encore une fois, donc, que Homère participe à un mouvement philosophique qui est de rétablir l'homme dans sa liberté et de détruire un petit peu ce que le divin peut avoir de puissance, d'omniscience, de perfection. Iriez-vous jusqu'à dire que Diomède est divinisé ? Qu'Aphrodite est humanisée, Diomède, ou alors c'est simplement un guerrier valeureux et courageux. Alors la divinisation des héros est presque formulaire chez Homère. Il y a toujours le mot dios qui est ajouté, l'adjectif qui est ajouté, donc qui veut dire divin, ou bien théoeides qui veut dire semblable au divin, semblable au dieu. Et c'est finalement encore une fois un ressort poétique. Donc c'est une façon de sublimer la réalité. Et je ne sais pas si on peut parler d'inversion. En l'occurrence, on peut parler en tout cas d'un homme qui est véritable et d'une existence divine qui est en péril. Le dernier texte que nous allons écouter ensemble, Judith Pérez, est un texte qui se trouve dans le dernier chant de l'Iliade. Hector a été tué par Achille, qui a vengé son ami Patrocle, mort au combat. Achille ne voulait plus prendre les armes, fâché, la colère d'Achille. Et donc le contre Agamemnon fait qu'il ne voulait plus prendre les armes, c'est Patrocle qui les a endossées, ce qui a conduit du coup à un combat avec Hector. Patrocle a été tué, donc Achille va venger son ami, il tue Hector. Simplement, Hector a un père qui s'appelle Priam et qui voudrait venir récupérer le corps de son fils pour l'enterrer, mais Achille, qui n'a toujours pas assouvi sa vengeance, a littéralement défiguré ce cadavre. Donc Hector ne ressemble plus à rien, même s'il est encore décrit comme étant très beau. De nombreux vers insistent sur la lacération quasiment à laquelle Achille procède. Oui, mais les dieux le protègent. Voilà, c'est ça. Donc il le traîne autour du tombeau de Patrocle, mais il est intact. Il est intact, grâce à... Que les dieux protègent son visage. Oui. Et bien dans ce dernier chant, Priam vient chercher le corps de son fils Hector, et l'échange qui a lieu entre Priam, donc père d'Hector, et Achille est extraordinaire, et il semble attester d'une forme de peut-être de conversion morale, ou en tout cas, il montre qu'Achille a cheminé à travers sa colère et qu'il est arrivé à un autre point. Mmh. Écoutons ce texte. Priam, suppliant, dit ces paroles. « Souviens-toi de ton père, Achille, à visage de Dieu. Il a mon âge, il est sur le seuil de la vieillesse. Et si ceux qui habitent son voisinage veulent le harceler, pour le défendre, il n'a personne. Mais... s'il entend dire que tu es en vie, il a joie en son cœur. Chaque jour, il espère voir son fils revenir de Troie. Moi, malheureux jusqu'au bout, j'ai eu des fils, les meilleurs dans Troie, la grande. Il ne m'en reste plus, je le dis. Ils étaient 50 quand sont venus les fils des Achéens. 19 venaient du même ventre. Les autres sont nés pour moi de femmes du palais. De beaucoup d'entre eux, le violent Arès a défait les genoux. Il en était un qui défendait la ville et nous tous. L'autre jour, tu l'as tué. Il se battait pour son pays. Hector, c'est pour lui que je viens vers les bateaux achéens pour le délivrer. Je t'apporte une énorme rançon. Respecte les dieux, Achille. Aie pitié de moi. Souviens-toi de ton père. Je suis plus à plaindre. J'ai souffert plus que tout autre homme sur terre. J'ai porté à ma bouche la main qui a tué mon enfant. Il dit. Et lui, un désir le prit de pleurer son père. Touchant sa main, il repoussa le vieil homme. Tous deux se souvenaient. L'un pleurait Hector, le tueur d'hommes, prosterné devant les pieds d'Achille. Achille pleurait son père, et parfois aussi Patrocle. Et leurs gémissements s'entendaient dans toute la maison. La hauteur morale, pourrait-on dire, qu'atteint Achille dans ce texte, Judith Perez, le hisse peut-être au niveau des dieux, mais même au-dessus de la bienveillance dont sont capables les dieux dans le texte de l'Iliade. Oui, alors effectivement, ce texte est exceptionnel et il est en quelque sorte la clé de l'œuvre. Parce que c'est lui qui clôt, qui marque un véritable couronnement dans l'élévation du héros. On a l'impression, on se demande si Achille serait un héros s'il n'avait pas eu ce geste de générosité à la fin. Les deux sont concernés d'ailleurs par cette élévation. Hein. Priam lui-même procède à ce périple d'aller jusqu'à la tente d'Achille, qui est l'ennemi, c'est un acte extrêmement dangereux. Ce à quoi on pourrait s'attendre, ce qui est le plus probable, c'est quand même qu'il soit tué, étant donné que Achille jusque-là était une machine à tuer. Il a égorgé en masse, et c'était son but jusqu'à ce champ. Et ici, on a deux figures isolées de toute la communauté de la guerre. Un père qui vient récupérer son fils et un fils qui vient de perdre celui qui était tout pour lui. Et les deux se retrouvent dans des rapports, comme dirait Jacqueline Romy, des rapports humains, merveilleusement humains. Et on a l'impression que ce dernier chant, en tout cas cette partie, se fait sans Dieu. Les dieux sont absents. Même si, lorsque Priam implore Achille de lui rendre le corps d'Hector, il lui dit « respecte les dieux ». Exactement. Ils sont présents dans l'injonction qu'il fait à Achille. Ils sont présents, dans le cœur des hommes, ici, puisque Priam se place comme suppliant. Donc il y a toute une codification, hein. c'est un respect codifié des dieux, qui est celui de l'hospitalité. Donc Priam vient et d'emblée s'agenouille, se prend les genoux d'Achille et lui baise les mains. Ce qui est un geste incroyable. Il s'agenouille devant le meurtrier de son fils. Oui, le païdophonios, le tueur d'enfants. C'est comme ça qu'il l'appelle. Hein. Et c'est le tueur d'Hector et de ses innombrables enfants, puisqu'il en a 50. On en apprend qu'il en a 50. Oui. C'est un geste peut-être divin, je ne sais pas. Mais... Et mais c'est pour Hector qu'il vient réclamer la sépulture, parce que la sépulture va permettre à Hector d'avoir une belle mort, d'avoir une mort qui reste dans la mémoire de tous. Donc c'est le plus important pour eux. Et Achille n'a pas prévu de ressentir cette émotion en voyant Priam. Et Priam n'a pas prévu non plus de ressentir cela. C'est-à-dire qu'ils ressentent tous les deux ce qui s'appelle le tambos. Ils sont tous les deux émerveillés. C'est la stupeur. C'est un sentiment qui n'existe que vis-à-vis des dieux, normalement. Donc, c'est un sentiment qu'on a déjà vu, d'ailleurs, dans le premier chant, au moment où Achille voit Athéna. Il ressent la même chose. Il est stupéfié. Mais c'est un sentiment qui n'existe dans toute l'œuvre que vis-à-vis d'un dieu. Et ici, Achille le ressent vis-à-vis d'un homme. Donc, il y a une véritable confusion entre le divin et l'humain. Et Achille voit Priam en premier, et il est précisé qu'il est le seul à le voir, hein, que Priam n'est visible de personne. C'est exactement la même chose qui se produisait avec Athéna, qui n'était visible de personne d'autre. Donc, on a l'impression qu'il y a une forme de réduit intime entre ces deux figures qui se voient pour la première fois et qui s'admirent parce que elles sont menées à voir seulement dans l'autre plus un ennemi, plus un tout ce qui peut représenter de dangereux pour lui, plus tout ce qu'il y a de menaçant, mais plutôt autrui. Ouais. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que ce texte semble s'achever sur une espèce d'annonciation de la religion chrétienne. Il y a cette empathie, la compassion, le message de paix entre les deux et la figure du père. C'est quand même sur la figure du père que s'achève ce texte. Oui, c'est exactement ça. C'est Mneson sou patrou, souviens-toi de ton père. Et on a l'impression que c'est cette phrase qui désamorce les pleurs, les larmes d'Achille. Parce que il s'identifie, il voit Priam, le vieillard, l'homme aride, l'homme démuni devant lui. Et il comprend enfin ce qu'est l'être, ce qu'est l'autre, le visage de l'autre. On a l'impression qu'il voit une forme de d'altérité, alors que jusqu'à présent, les autres, pour lui, étaient des victimes possibles dans les Grecs. Donc c'est pas le recours au Dieu, mais au Père qui permet ça. Oui, la filiation, oui. Absolument. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est très récurrent chez Homère, puisque la piété filiale est toujours primordiale. À chaque fois que quelqu'un perd une personne, cet amour, cette amitié entre les deux personnes est comparé à l'amour filial, l'amour qu'a un père pour ses enfants. Donc c'est possible de voir les choses. Alors de manière chrétienne, c'est possible que ce soit un sentiment de toute humanité en réalité. Mon père, ce héros, c'est donc un peu ce qu'on apprend à la fin de ce texte. Un grand merci Judith Pérez d'être venue nous en parler aujourd'hui. On se quitte avec un appel au héros beaucoup plus contemporain, c'est Bonnie Tyler. Apprendre à philosopher avec Homère, c'est le titre de votre livre, Judith Pérez, qu'on trouve aux éditions Ellipse. Le texte de l'Iliade dont il a été question toute cette semaine est disponible chez différents éditeurs. N'hésitez pas quant à la traduction, chers auditeurs, et lisez-le, lisez l'Iliade. On reviendra bientôt pour parler de l'Odyssée. France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de laisser Bonnie Tyler pour retrouver Anastasia Colosimo pour le journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour tout le monde. Sur quel sujet porte votre journal de la philo aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre paru aux presses universitaires de France sous la direction d'Adeline Héroux qui s'intitule « Une journée dans une vie ». Une vie dans une journée. Le livre rassemble 17 contributions d'ethnologues relatant à chaque fois une journée entière, du lever au coucher, de personnes qui ont choisi de renoncer au monde en devenant moines ou ascètes. L'idée est simple. Une journée constitue un condensé de vie. D'où le titre. Une journée dans une vie dans une journée. Entrer dans l'intimité de quelqu'un, c'est accéder à sa quotidienneté. Et il n'y a pas de quotidienneté plus mystérieuse que celle qui se vit, par choix, à l'abri de tous les regards. Les auteurs se sont donc prêtés à ce format quelque peu expérimental de journée-portrait, livrant des détails précieux sur les pratiques bouddhistes, taoïstes, chrétiennes, mais aussi yogistes et jainistes. En parcourant tous ces témoignages, une première chose saute aux yeux. La vie d'ascète ou de moine n'est pas qu'une vie de tempérance et de quiétude. Au fil des pages, on se dit qu'il faut une forme de folie, d'hubris, de démesure pour choisir une telle vie. Dans ces vies, tout est question d'inversion. Francesca Sbardella raconte comment, chez les carmélites, le vœu de silence est interrompu lors de deux petites récréations quotidiennes, où toutes les sœurs se passent tour à tour la parole. Ce sont des pauses de parole à l'intérieur du long silence quotidien. Marie-Claude Mayas, elle, décrit les ascètes jaïnes digambars, vêtus d'espace, c'est-à-dire totalement nus. La nudité symbolise l'abandon de toute possession, le contrôle des passions liées au désir de posséder ou à la peur de perdre, le dépassement de tout sentiment de honte ou d'orgueil et l'exercice le plus avancé de la non-nuisance. Raphaël Voix, qui a suivi pendant une journée un ascète Bol, chanteur mystique du Bengale, s'étonne lorsque celui-ci lui confesse qu'il ne s'est pas lavé depuis 12 ans. En lisant ces témoignages, on découvre également que les moines et les ascètes sont des personnes comme les autres, avec leurs petites faiblesses et leurs incomplétudes. Qu'ils soient ermites ou qu'ils vivent en communauté, ils ont chacun leur caractère, peuvent se moquer, rire, parfois même être blessants ou se sentir blessés. C'est le cas de Rafka, religieuse maronite au Liban, qui appelle une carmélite « fausseur » avant de confesser qu'elle reste insensible aux remarques parfois désagréables de certains prêtres. C'est le cas aussi de deux novices bouddhistes sud-coréennes qui se disputent discrètement pour une histoire de nourriture à la cantine. Dans un temple bouddhiste chinois Shaolin, le supérieur a même fait installer une pointeuse pour lutter contre l'absentéisme à certains rituels du matin. Le monde n'est jamais loin, comme le prouvent les sœurs du monastère de Sainte-Thècle qui trouvent le temps de suivre leur série télévisée préférée. Peu à peu, pourtant, on découvre des personnes ayant fait un choix radical qui paraît complètement fou face au tumulte du monde. Les privations, les sacrifices, les souffrances, les prières se succèdent. On exorcise les malades, on guette les apparitions de la Vierge, on jeûne pour apprendre l'humilité. Discipline et rigueur sont les maîtres mots. Toute la vie est tournée vers la recherche de la sagesse et de la vertu. En racontant une journée dans la vie de ces ascètes et de ces moines, les chercheurs donnent accès à des lieux qui semblent avoir échappé au temps. On en ressort avec l'impression qu'il y a des espaces immuables en ce monde. En lisant ces témoignages, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Max Weber, qui déplore le désenchantement du monde entraîné par l'avènement de la modernité. Pourtant, tous ces témoignages convergent. Il n'y a pas de fatalité. Le mystère a encore de beaux jours devant lui. C'est ce grand voyage sur les chemins de l'éternité que propose Adeline Héroux dans « Une journée dans une vie dans une journée » paru aux éditions PUF. Merci beaucoup Anastasia. Les références de ce livre seront en ligne sur le site du journal de la philo que vous pourrez également réécouter. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Géraldine Mosna-Savoie, Colomba Grossi, Isis Jourda, Marie Simon, Sharon Houry et Anaïs Isbert. C'est Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Jean-Guilain Meige qui est à la prise de son aujourd'hui, Georges Kless à la lecture des textes, ainsi que Guy Moigne qui propose une lecture intégrale de l'Iliade en CD chez Livraphone. Notre série sur l'Iliade se termine, mais elle se poursuivra en partie la semaine du 1er octobre dans La Compagnie des auteurs, l'émission de Mathieu Garrigou-Lagrange, qui consacrera ses émissions à Homère. On se retrouve demain pour les chemins du vendredi qui, en cette rentrée, donne la parole à ceux qui font vivre la philosophie aujourd'hui. Nous serons demain en compagnie de Caroline Emke, ancienne grande reporter de guerre et écrivaine dont la pensée entre journalisme et réflexion philosophique est un plaidoyer contre les violences du monde contemporain. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette série sur l'Iliade de Homère,